Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va parler de fourmis! Encore un oiseau différent? Je sais pas pourquoi j'ai dit oiseau alors que je voulais dire animal, mais c'est pas grave, je vais la garder comme ça, elle est très bien. On va dire que c'est un oiseau, après tout ça vole les fourmis, tu sais, il y en a qui ont des ailes. Oui c'est vrai, c'est vrai, mais il n'y a pas un oiseau qui s'appelle fourmi quelque chose? Je sais plus quoi. Il y a des familles d'oiseaux où effectivement il y a le nom fourmi dans le nom, mais sinon... Apparemment, les formicaridés, c'est effectivement une famille d'oiseaux où tu as fourmi dans le nom. Mm-hmm. Est-ce que c'est d'eux dont nous allons parler ce soir, Sophie? Pas exactement, non, mais bon. Mais on pourra peut-être, on a envie. Voilà. Comment tu vas, Sophie? Très bien, très très bien. Tiens, ce soir, il fait un peu plus froid que d'habitude, ça change. D'habitude, on a plus chaud qu'autre chose en ce moment, mais... Vous êtes beaucoup arrosé aussi en ce moment. Non, ça fait une semaine qu'on n'a pas eu de pluie finalement. Ah, ok. Ouais. Bon. M'aurait-on menti sur les réseaux sociaux? Enfin bref. Ça dépend quelle partie de l'Afrique du Sud. Parce que tu sais, c'est grand l'Afrique du Sud, ça fait quand même trois fois la France. Donc il y a des parties qui sont arrosées et d'autres qui ne le sont pas. En l'occurrence, la nôtre il est vrai. Ne l'est pas. Les projections des cartes sont toujours erronées. C'est assez fascinant. De s'intéresser justement à la véritable taille des continents et des pays, et de se rendre compte en réalité que la taille des différents pays est beaucoup plus différente que celle que l'on connaît habituellement. Voilà. Oui. Bon, on a fait un point géographie. Mais moi, Sophie, cette semaine, je vais rester en France, ou presque, mais je vais parler d'une étude qui a fait grand bruit. On va parler de pesticides, on va parler d'oiseaux. Alors vous allez dire, mais pesticides, oiseaux, grand bruit, c'est pas comme si ça faisait bien 10, 20 ans, 30 ans que l'on connaît le problème que peuvent avoir les pesticides avec les oiseaux. Vous allez voir qu'en réalité, c'est une étude bien plus délicate qui a été menée par les équipes du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais avant tout ça, rétro-piou-piou, Sophie, qu'est-ce que tu as découvert lors de ces 7 derniers jours? Alors... Une petite info, un article qui est sorti dernièrement en septembre de l'année dernière, donc c'est pas les derniers jours, mais enfin, je l'avais pas vu passer, donc je le rattrape. Est-ce que tu savais, Florian, que lorsque les oiseaux incubent leurs œufs, ils les font tourner, c'est-à-dire que la femelle oiseau se relève régulièrement et puis fait bouger l'oiseau là avec, l'œuf pardon, avec ses pattes, avec son bec. Je sais pas si t'étais au courant. Si, je vois très bien. Alors je ne savais pas que c'était une particularité quelque chose qui était assez significatif. Mais oui, j'ai déjà vu des oiseaux déplacer les œufs, etc. Peut-être température, quelque chose comme ça. Alors pas seulement, effectivement, température. Alors température, il y a d'autres mécanismes, on peut en parler une autre fois si tu veux, c'est un poil complexe. Mais pour le retourner l'œuf, en fait, il y a une publication qui est sortie et qui fait une review de le nombre de fois, selon les espèces, où les mamans oiseaux font tourner les œufs dans le nid. Alors ils font pas tourner les serviettes, ils font tourner les œufs. ne prenez pas ça mal. Et du coup, ils comptaient, ils essayaient de voir s'il y avait une raison pour ça, s'il y avait une différence entre les différents groupes d'oiseaux et si on pouvait catégoriser tout ça. Et donc, il semblerait que les oiseaux qui sont les plus petits, les passereaux, et surtout ceux qui ont besoin de soins parentaux derrière, donc qui vont rester au nid plus longtemps, généralement, la période d'incubation n'est pas très très longue et les mamans oiseaux font tourner les œufs dans le nid très souvent. Alors que les oiseaux qui, au contraire, eux, n'ont pas beaucoup de soins parentaux, type canard, poule, etc., et du coup avec des petits qui se dérouillent tout seuls dès la sortie de l'œuf, et ben eux par contre, okay. Les œufs sont pas vraiment tournés tant que ça, et encore moins chez les grands oiseaux type autruche, où là carrément il y a quasiment pas de... les mamans font quasiment rien en fait, hein. Elles se posent sur les œufs et puis ça, et puis voilà. Et en fait, les auteurs de l'article se sont intéressés à pourquoi est-ce qu'on fait tourner les œufs, est-ce que c'est important? Et alors oui, c'est important parce que il y a des conséquences sur le développement de l'embryon dans l'œuf, et notamment des conséquences sur la manière dont il va se développer, et aussi sur les membranes qui sont à l'intérieur de l'œuf. Et si tu ne fais pas tourner les œufs régulièrement, il se peut que le développement se passe mal, que ton petit meure dans l'œuf, ou alors que les membranes se soudent entre elles, que les vaisseaux sanguins ne se développent pas correctement autour de l'œuf, parce que normalement c'est, c'est normal, hein, ça se développe autour de l'œuf, hein, les vaisseaux sanguins, pour nourrir le poussin notamment. Et du coup, soit le poussin meurt in embryo, soit il ne peut pas s'extraire de l'œuf lorsque vient le moment de percer la coquille, parce que les membranes sont soudées par exemple, ou il y a d'autres problèmes. Donc c'est super important, et ça mérite beaucoup beaucoup plus de détails, parce que ce sont des choses dont on a besoin pour élever des oiseaux en captivité, notamment des espèces en voie d'extinction. Parce qu'il faut savoir exactement, ce sont des informations critiques pour pouvoir justement incuber les œufs correctement dans des incubateurs artificiels, hein, évidemment. Bien sûr. Alors du coup, il y a une différence fondamentale entre être nidicole et nidifuge, c'est ça ? Exactement. Ok, d'accord. Et pourquoi justement les oiseaux qui sont nidifuges, comme les autruches et autres, tu parlais des canards, peut-être parler des poules aussi, n'ont pas justement ces problèmes-là. Est-ce que c'est discuté dans l'étude ? Alors, ils font quand même tourner un petit peu les œufs, hein, c'est pas non plus, ils sont pas complètement statiques, mais pas autant. Alors, ils savent pas pourquoi ou comment, on est encore au balbutiement des recherches qui sont faites sur le sujet. On a une vague idée qu'il faut tourner les œufs, et c'est quelque chose que on a compris assez tôt, parce que c'est pour ça que les incubateurs artificiels ont des moyens de faire tourner les œufs. Alors, tu peux les régler sur une fois toutes les 2 heures ou plus si t'as envie. Mais on n'est pas exactement sûr de la fréquence en fonction de l'oiseau, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on a une vague idée de pourquoi, mais on ne sait pas trop en fait les raisons profondes derrière tout ça, ni comment ça se passe au niveau du développement. Donc c'est en ça que ça va être intéressant dans les prochaines années, si la recherche continue sur le sujet, et on espère en apprendre plus. Ah bah ouais, tu m'étonnes, puis comme tu l'as dit, il y a des gros impacts qui peuvent avoir lieu pour des espèces en voie de disparition et autres, super intéressant comme sujet. Moi je vais parler de moineaux domestiques, Sophie, on va aller dans la capitale parisienne, avec donc une étude menée par la LPO elle-même, que vous retrouvez dans le Passer, donc c'est une étude que, pour une fois, nous vous présentons en français. Et c'est une étude qui fait un état des populations du moineau domestique dans la ville de Paris. Alors, faut savoir que le comptage commençait depuis 2003, et entre 2003 et 2014, le moineau domestique a perdu 80% de ses effectifs. C'est beaucoup. Et à partir de 2014, eh bien, on a eu une stagnation de la population. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi on avait justement une stagnation de la population. Et il y a plusieurs causes qui sont mises en évidence. Premièrement, l'utilisation, ou plutôt la mise en place du plan Zéro Phyto par la ville de Paris en 2007, qui a commencé à porter ses fruits pour les moineaux aux alentours donc de 2014. Il y a eu une végétalisation des espaces publics aussi, ainsi que la création de nouveaux espaces verts, qui ont mené justement à cette stabilisation des effectifs. Une possible prédation des prédateurs, des prédateurs qui a diminué ou qui s'est allégé. En effet, il y a eu une arrivée importante d'éperviers d'Europe dans la capitale au tournant, on va dire, des années 2000, avant que cette dynamique de population se stabilise. Et il se peut justement qu'il y ait eu une diminution de cette prédation aussi parce que les rapaces, comme les éperviers, mais aussi les faucons cresserelles, ne trouvaient pas assez de proies. Donc, en l'occurrence ici, le moineau domestique. Et puis, on a aussi découvert d'autres choses qui permettaient justement d'expliquer cette stabilisation, la mise en place de quartiers moineaux à partir de 2022, donc qui sont des dispositifs pour l'instant expérimentaux, qui donc ont permis de voir justement l'influence sur la population globale de l'oiseau. Donc, tout ça permet justement de voir que après une grosse chute, la stabilisation de la population a été effective pour le moineau domestique. Pourquoi le moineau a perdu 80% de sa population en l'espace à peu près d'une dizaine d'années ? On a parlé de la pression de prédation, mais c'est pas la cause principale avancée par les auteurs de l'article. On parle surtout de la disparition des sources de nourriture de l'oiseau, donc à savoir la disparition des insectes et la disparition aussi des lieux où les oiseaux sont capables de se regrouper, notamment pour passer l'automne et l'hiver. Et ce sera en français dans la description si vous voulez davantage d'informations. Mais c'est merveilleux, ça. Ben oui. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, de mon côté, on part sur un article qui nous parle, cette fois-ci, des fameux tags. Alors, les tags, si vous savez pas ce que c'est, ce sont des petits dispositifs qui nous permettent de suivre les oiseaux à la trace, en quelque sorte, parce que vous en avez qui vont se mettre sur différents endroits de votre bestiole. Vous pouvez en attacher aux pattes, vous pouvez en mettre sur une sorte de petit sac à dos à l'arrière du dos de l'oiseau. Enfin, bref, vous pouvez en mettre un petit peu partout sur la bestiole, et ça vous permet donc de le suivre, alors soit par GPS, soit par d'autres méthodes un petit peu plus simples. Mais en tout cas, ça vous permet de localiser des espèces le long, par exemple, de leur voie de migration. Alors, l'article en question s'intéresse non pas aux tags en eux-mêmes et sur ce qu'ils font ou sur la position des oiseaux eux-mêmes, il s'intéresse plutôt à l'impact de ces petits boîtiers sur les oiseaux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent plus de temps à décoller à cause de ça ? Est-ce que du coup le poids est gênant ? Est-ce qu'ils ont un problème d'aérodynamisme à cause de ça toujours ? Enfin bref, il y a plein de petites hypothèses comme ça qui sont testées en quelque sorte dans cet article, et on se rend compte qu'effectivement, porter quelque chose comme ça, même si c'est un minuscule boîtier qui fait à peine quelques grammes, pour un petit passereau, c'est déjà suffisant pour arriver à réduire sa vitesse de décollage et son altitude de décollage pendant au minimum 5 à 10 jours, en fonction de la taille et de la position de l'objet. Donc il y a une adaptation. Il y a une adaptation de l'oiseau, ok. Parce que j'avais lu une étude, je crois que c'était en 2023, qui justement rapportait les mêmes conclusions, à savoir que les oiseaux, pour le coup, dépensaient plus d'énergie. Je crois que c'était jusqu'à 40% plus d'énergie pour pouvoir faire justement le vol et autres actions. Donc oui, installer des balises GPS, par exemple, c'est préjudiciable, impact, mine de rien, pour l'oiseau. Absolument. Exactement. Et donc là, ce qu'ils ont constaté, alors la dépense énergétique, évidemment, mais surtout, ils ont réussi à la modéliser parce qu'ils ont pris le poids des oiseaux, donc au jour 0, au jour 5 et au jour 10, et ils ont remarqué qu'il y avait une nette diminution du poids de chaque individu au fur et à mesure de l'étude, parce que justement il y avait une utilisation d'énergie plus importante, donc il y a une diminution du poids de l'oiseau. C'est normal, vous utilisez de l'énergie, vous faites du sport, vous maigrissez, c'est comme ça. C'est fou. Donc, incroyable. Voilà. Petite étude incroyable. Encore intéressante. moi je vais terminer, Sophie, par un oiseau extrêmement commun en France qui passionne les Québécois. Ouh. Parce que un rouge-gorge familier a décidé de s'installer à Montréal. Oh non. Et pour les Montréalais, pour les Canadiens, pour les Américains, c'est une source de joie absolument immense, parce que c'est un oiseau qu'ils ne voient jamais. On a des centaines, voire des milliers d'ornithologues américains et canadiens qui se sont réunis à l'endroit justement où l'oiseau s'est installé. Voilà. Alors on ne sait pas si l'oiseau va réussir à passer l'hiver, parce que le rouge-gorge n'est pas forcément adapté pour les grandes températures températures très, comment dire, très basses que peuvent rencontrer les Canadiens, puisque ça peut descendre jusqu'à moins 30, voire moins 40 degrés à certaines occasions. Et on essaie d'expliquer pourquoi le rouge-gorge a fait justement ce chemin, parce que généralement, c'est l'inverse. Hein. Généralement, ce sont les oiseaux américains qui viennent en Europe. Là, pour le coup, c'est l'inverse. Plusieurs hypothèses s'affrontent. Le fait que l'oiseau ait été perdu peut-être à cause d'une tempête, voire de la vague de froid hein, qui a sévi en France pas plus tard qu'il y a deux semaines au moment où on enregistre cette émission. Ou on peut aussi parler d'un comportement quelque part voulu de la part du rouge-gorge qui a décidé d'étendre son territoire et de traverser les 6000 km qui le séparaient de Montréal, voilà. Ou peut-être plus si affinité en fonction de là où le rouge-gorge venait, puisque malheureusement on n'a pas de bague, donc on ne sait pas d'où vient ce rouge-gorge. Mais force est de constater, eh bien voilà, que cet oiseau bien commun pour nous, eh bien, a rendu fou nos chers collègues québécois que l'on salue. Bon, bah, j'espère que l'oiseau ira bien, et surtout j'espère qu'il ne prendra pas la grosse tête avec tous ces paparazzi. On verra. Ah bah, c'est un rouge-gorge, hein. C'est... Ah, pauvre bestiole. Ok. Est-ce que Sophie, tu as encore quelque chose à rajouter ou on passe moi, aux c'est fourmis tout. Eh bien, c'est moi tout, aussi, c'est tout. On va donc parler des fourmis dans ce podcast sur les oiseaux. Première partie, c'est juste après ça. Alors Sophie, les fourmis. Eh oui, de quoi qu'est-ce qu'elles viennent faire dans ce podcast? Vas-tu nous parler de formicage peut-être? Ah, excellente question, excellente question. Alors, je vais vous amener en Amérique du Sud cette fois-là, et on va partir en forêt amazonienne. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce que je vous parle de fourmis? Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Amérique du Sud, il y a pas mal de fourmis, hein, il y a un paquet d'espèces là-bas, mais il y a aussi un paquet d'espèces d'oiseaux qui mangent les fourmis, certes, mais qui aussi utilisent les fourmis de là-bas. Alors, comment est-ce qu'ils les utilisent? Eh bien, tout simplement, lorsqu'ils repèrent une colonie de fourmis, certaines espèces sont en fait habituées à les suivre et à récupérer les insectes qui sont dérangés par les colonies de fourmis qui se baladent un peu à droite à gauche, qui vont juste s'enfuir tout simplement devant les fourmis avant de se faire manger. Et donc l'oiseau est juste derrière pour gober l'insecte qui s'échappe juste dans le bec de l'oiseau. Donc on a plusieurs familles comme ça qui sont capables de manger des fourmis. Alors on a celle qui en anglais est appelée ant bird, donc voilà, oiseau fourmi pour faire tout simple. Les British, comme d'habitude, ils ont l'habitude de faire des choses très simples. Alors, pour le nom de la famille, c'est les Thamnophilidae. Si vous voulez un nom, il n'y a pas exactement de nom français, donc on va rester sur Thamnophilidae en français. Vous avez deux, trois autres familles qui font ça aussi. Vous avez ce qu'on appelle les Dendrocolaptes, qui sont pareilles, certaines, en tout cas pas toutes les espèces, certaines espèces sont adeptes de ce genre de choses. Mais aussi quelques espèces un peu plus rares chez d'autres familles, comme les Formicariidae. Ce qui est très marrant d'ailleurs, parce que chez les Formicariidae, on pourrait se dire, mais en fait, c'est que des oiseaux qui vont manger des fourmis, vu le nom de la famille. Eh bah, ben, pas du tout. C'est un peu différent, évidemment, parce qu'on peut pas faire les choses simplement. Donc, nous avons d'un côté toutes ces petites familles-là, qui ont fait leur spécialité, pas mal d'espèces dans ces familles en tous les cas, de suivre les fourmis et de récupérer en quelque sorte les restes après leur passage. Et il y a une publication qui est sortie il n'y a pas longtemps. Alors on connaît un petit peu le principe de ces oiseaux-là, on les a étudiés quand même un minimum, mais il y a une publication qui est sortie il n'y a pas longtemps et que je trouvais intéressante, même si elle n'a pas exactement fait beaucoup de bruit, qui nous expliquait qu'en fait, il y avait une sorte de covariation entre les traits morphologiques et le comportement de ces oiseaux qui suivent les fourmis. Alors, comment ça se passe? Dans cette étude, donc, la personne qui a écrit l'étude a en fait récupéré donc, des espèces d'oiseaux qui appartenaient à toutes ces familles-là, plus quelques autres en plus que je n'ai pas citées, mais si ça vous intéresse, allez lire l'article, hein, il sera en description évidemment. Donc, il a récupéré des oiseaux de ces différents groupes, des espèces qui, elles, étaient plus spécialistes du suivi des fourmis, et d'autres qui ne l'étaient pas, parce que dans ces familles, il y a un peu des deux. Et donc, il a essayé de faire une comparaison entre ces différentes espèces. Et en fait, il a trouvé des résultats. Et c'est là que c'est intéressant, parce que effectivement, ce comportement de suivi des fourmis a, semble-t-il, un impact sur la morphologie de ces oiseaux. Alors, quel impact ? C'est là que je te pose la question. À ton avis, pour suivre des fourmis, de quoi est-ce que tu as besoin ? Tu as besoin de marcher, parce que voler, c'est un peu... Et donc, du coup, les pattes des oiseaux qui suivent les fourmis sont plus développées. Eh ben oui, c'est une des caractéristiques, en tous les cas, de pas mal, alors pas de tous, évidemment, hein, mais de pas mal de ces espèces qui, effectivement, suivent les fourmis. Généralement, la marche est privilégiée sur le vol, et donc les pattes sont bien développées. Ce qui, du coup, veut dire aussi que, du côté des ailes, eh ben, y a moins de sélection au niveau de la taille des ailes, au niveau de la portance que vous allez avoir avec ces ailes. Donc en fait, les ailes vont s'en retrouver un poil plus réduites que dans les espèces qui, elles, ne suivent pas les fourmis. Et il semblerait qu'il y ait un dernier caractère qui, lui, par contre, personne ne l'avait vu venir, qui est, en l'occurrence, la zone qu'il y a autour de l'œil. Alors, tu n'es pas sans savoir que, généralement, les zones de peau nue chez les oiseaux, c'est généralement des zones qui sont réservées à la signalétique, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va servir à exprimer des émotions, des envies, enfin bref, ça va exprimer vraiment ce à quoi tu penses en ce moment, en quelque sorte. Et en l'occurrence, chez ces espèces-là qui suivent les fourmis, il semblerait que le tour de l'œil, eh ben, il soit plutôt en peau nue, comparé aux autres espèces qui, elles, ont un tour de l'œil tout à fait normal, avec des petites plumes, comme on voit chez la plupart des passereaux. Prenez un moineau domestique, d'accord, dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement la même chose, vous n'avez pas vraiment de zone de peau nue autour de l'œil, alors que chez ces espèces-là, eh ben, c'est quasiment tout le temps. Et là, ça pose une grosse question, parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que ces espèces essaient de communiquer entre elles, ce qui serait un petit peu curieux, parce qu'en fait, chez ces espèces-là, généralement, elles sont assez territoriales, donc elles ont chaque individu a son petit territoire sur lequel il va suivre ses fourmis, en quelque sorte, et il n'y a pas vraiment de communication avec d'autres membres de l'espèce, à part peut-être pour la reproduction, mettons. Mais sinon, il n'y a pas de groupe d'oiseaux, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, comment et avec qui est-ce que ces oiseaux-là seraient en train de communiquer grâce à cette zone de peau, si effectivement c'est pour la communication? On ne sait pas encore trop. On suppose que c'est pas avec les fourmis, parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction, à part le suivi de l'oiseau. Ce serait drôle. Ce serait marrant, hein, mais pour le coup, bah, bon, pour l'instant, rien n'a été constaté, donc on ne sait pas. Donc voilà, on a trouvé des choses, mais du coup, ça nous ouvre un autre mystère dont on n'avait pas idée. Et encore une fois, c'est un peu en ça que la recherche est assez incroyable, c'est qu'il y a toujours des nouvelles questions qui arrivent, hein, c'est incroyable. Donc voilà. C'est fou. C'était, c'était une petite étude intéressante, donc pour vous présenter ces quelques espèces qui, effectivement, suivent des fourmis et ont un comportement bien, bien spécifique. D'accord. Et alors, on pourrait penser qu'il n'y a que 2-3 espèces qui ont ce comportement. Je me dis, bon, c'est quand même assez spécifique. Ben non. Juste dans la famille des Thamnophilidae, vous avez à peu près 230 espèces quand même, dont la plupart ont ce comportement. Et oui. Donc c'est pas juste un ou deux oiseaux par-ci par-là. C'est vraiment au moins 3-4 familles qui font ça de manière constante. Donc c'est assez incroyable. Et il faut savoir aussi que ce comportement, en fait, il y a certaines espèces qui présentent ce comportement quasiment tout le temps, qui vont suivre les fourmis tout au long de la journée, en quelque sorte. Mais il y a d'autres espèces qui, elles, par contre, ne les suivent pas tout au long de la journée. Ils vont peut-être un petit peu, de temps en temps, passer à côté d'une colonie de fourmis et en profiter. Mais ça va pas être la majeure partie de leur journée, en quelque sorte. Ils vont peut-être aller chercher des chenilles à droite à gauche tout seuls, et puis sans vraiment se baser sur les fourmis elles-mêmes. Donc, on a vraiment plein de possibilités. Et ça a l'air d'être un comportement qui est finalement beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait. Incroyable. Alors, voilà. Tu disais que c'était des oiseaux très territoriaux. Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer... Alors, je ne sais pas si on est dans les latitudes continentales, on est dans un climat tropical. Oui. Plutôt continental, du coup. Plutôt, oui. Bon, après, je pense que c'est assez répandu quand même, ces espèces-là. Donc, ça fait une bonne partie du Brésil. Okay. Donc, il y en a certainement sur la côte aussi. Ah oui. Ok, donc on est au Brésil. Ok. Oui, oui, entre autres. Et puis, un peu au-dessus, ça va jusqu'à l'Amérique centrale pour la répartition, à peu près. Ok. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, comme chez les mésanges, les rondes, qui ont lieu justement à la période où la nourriture est plus difficile à trouver, à savoir donc des oiseaux qui, d'une certaine manière, de plusieurs espèces, donc, se réunissent pour justement récupérer plus facilement de la nourriture. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé par les auteurs de l'étude ? Alors non, ça n'a pas été envisagé, du moins je ne crois pas. Mais il est possible qu'effectivement, à certaines périodes de l'année, ces oiseaux-là se réunissent, et ça, on n'en sait rien, parce que, comme d'habitude, ils sont pas... on manque d'informations. Il faut les étudier. Et ben, il faut y aller pour les étudier. Et en plus, on a certaines de ces espèces qui sont en voie d'extinction, notamment 38 des espèces de ces familles-là. Ah oui, sur qui... 220, c'est pas mal. Voilà, sont en voie d'extinction à cause notamment de pertes d'habitat, parce que l'homme a tendance à détruire la forêt, voilà. Et puis pollution, activité humaine en tout genre, etc. Donc bon, voilà, c'est un problème. Donc oui, on va essayer de les étudier aussi rapidement que possible pour éviter de les perdre avant d'avoir réussi à les étudier. Mais bon, j'imagine qu'ils feront ce qu'ils pourront, les pauvres. Et du coup, j'avais une deuxième question. Est-ce que dans l'étude, les auteurs et les autrices évoquent possiblement l'hypothèse que ce ne soit pas lié justement aux fourmis, que ce soit lié à d'autres choses ? Ah oui, oui, c'est tout à fait possible. Sauf qu'ils savent pas quoi. C'est ça la question. C'est incroyable. C'est ça la question, voilà. Eh bien, on finit sur un je ne sais pas, voilà. Non. Ce qui est souvent le cas en science, finalement. Ah oui, c'est ça. Donc on répond à des questions et puis il y en a d'autres qui s'ouvrent de l'autre côté. C'est comme ça que ça marche. Hein. Exactement, c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Exactement. Merci Sophie pour cette petite découverte donc des fourmis et des oiseaux. Nous, on va repartir en France avec une étude menée par le Muséum d'Histoire Naturelle sur les pesticides et les oiseaux. Sophie, encore une étude sur les pesticides et les oiseaux. Une oh bah plus. Dis donc, une de plus. Mais enfin, on enfonce encore des portes ouvertes. Vous allez voir que c'est un petit peu plus délicat que ça, et c'est pour ça que l'étude réalisée par le Muséum d'Histoire Naturelle est très intéressante. Elle est menée par Anne-Christine Monet, qu'on salue si jamais elle écoute cet épisode. Et ce qu'il y a de très intéressant avec cette étude, eh bien, c'est que les chercheurs se sont heurtés à pas mal de contraintes. Alors, il faut savoir que la France, c'est la plus grande surface agricole d'Europe en 2020, avec 269 000 km². Et l'objectif de l'étude, c'était de découvrir s'il y avait une relation entre l'abondance des oiseaux dans certains secteurs géographiques et l'utilisation de pesticides. Cependant, les auteurs vont essayer d'aller beaucoup plus loin que la grande majorité des études qui ont été réalisées sur les pesticides et les oiseaux. Parce que beaucoup d'études sont faites en laboratoire sur un certain nombre d'organismes modèles et les conditions en laboratoire ne reflètent pas forcément ce qui se passe sur le terrain. Et quand bien même les deux critères sont remplis, à savoir donc des études qui reflètent ce qui se passe sur le terrain et un certain nombre d'animaux impliqués dans l'étude, eh bien, généralement, ça se limite à quelques gammes de pesticides testés. On a des grands classiques, on va par exemple parler des néonicotinoïdes, vous connaissez tous ce terme, mais il n'y a pas d'étude qui est menée sur, un ensemble de pesticides. Okay. Et donc, le point de départ de l'étude du Muséum d'Histoire Naturelle, c'était d'éviter les compromis de taille d'échantillons et de gamme de pesticides, et donc pas uniquement se limiter aux plus médiatisés comme le glyphosate. Bon, on va parler des néonicotinoïdes, mais le glyphosate fait aussi beaucoup parler de lui. Il fallait isoler les effets des pesticides d'autres limites, comme l'agriculture intensive, la diminution des habitats pour les oiseaux, que ce soit par exemple en coupant les haies, l'utilisation d'engrais. Bref, il fallait valider que c'était bien les pesticides qui étaient responsables de la perte de diversité, ce que certaines études peuvent hypothéser, mais ne peuvent pas vérifier, car les données sur les pesticides sont indisponibles. Et La troisième chose qu'il fallait faire pour nos chercheurs, c'était qu'il fallait obtenir un ensemble de données sur une population nombreuse d'oiseaux ou d'espèces animales, mais ici en l'occurrence on parle d'oiseaux. Et à ce titre, eh bien, les auteurs de l'étude se sont rabattus sur des données de sciences participatives des espèces d'oiseaux en milieu agricole. Je dis bien des espèces d'oiseaux et non pas des espèces spécifiques au milieu agricole, c'est très important et on y reviendra après. Donc ils se sont rabattus sur ce qu'on appelle le suivi temporel des oiseaux communs. Et grâce à ces trois blocs, eh bien, ils ont mis en place une étude qui visait concrètement à identifier si le nombre d'espèces d'oiseaux ou si la perte de diversité était plus importante si on utilisait plus de pesticides. Mais tu vas me dire, Sophie, comment on fait pour remarquer si on utilise plus de pesticides dans certaines zones géographiques par rapport à d'autres ? Eh bien, il s'avère qu'en France, depuis 2019, on a une base de données qui est ouverte au public. La Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits, le BNVD, c'est donc utilisable depuis 2019, c'est ouvert au public, et ça permet de donner l'identité, la quantité, la date et la localisation des pesticides achetés. Donc c'était une ouverture hyper intéressante, mais il fallait quand même établir ce lien entre quantité de pesticides introduits dans l'environnement et contamination de l'environnement. Donc les chercheurs ont mené leur étude, et Sophie, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, après de nombreuses vérifications sur 242 produits phytosanitaires testés, sur un total de 64 espèces, 84,4% des espèces, soit 54 espèces en tout, réagissaient négativement à la surutilisation de produits phytosanitaires. Autrement dit, plus il y avait de pesticides, moins il y avait d'oiseaux. Et c'est une relation qui est encore plus significative pour 25 espèces, alors qu'il y en a une seule qui présente une corrélation positive entre l'abondance et les quantités de pesticides. Et Sophie, sache que c'est la huppe faciée. Voilà. Pourquoi ça m'étonne pas ? Voilà, on ne sait pas pourquoi. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était pas des espèces uniquement spécifiques au milieu agricole. Parce que si on reprend la figure qui nous est délivrée dans l'article et que vous pourrez consulter vous aussi, eh ben on va faire justement, entre guillemets, le top 10 des espèces qui sont, on va dire, les plus négativement impactées par les pesticides, ou plutôt la surutilisation de pesticides. En premier lieu, on a la bergeronnette printanière. En second lieu, la tourterelle des bois. En troisième position, la mésange bleue. Donc qui n'est pas une espèce spécialisée en milieu agricole. La quatrième espèce la plus impactée, c'est la pigrièche écorcheur, suivie du chouca des tours, le martinet noir, les tourneaux sansonnets également, la fauvette des jardins et la caille des blés. Voilà pour le top 10 des oiseaux les plus impactés par justement l'utilisation de ces pesticides. Donc, l'abondance des oiseaux était négativement corrélée également à l'augmentation du gradient des terres cultivées et des apports d'engrais. On a aussi testé les apports d'engrais dans cette étude pour 85,9% des espèces, donc 55 espèces, et la corrélation était significativement négative pour 47 d'entre elles. Et parmi les 6 espèces d'oiseaux qui présentaient une relation positive sur ce point, on avait des espèces spécialisées des terres agricoles, à l'exception du corbeau freux. Et ça, mine de rien, c'est un game changer, mais pas loin. C'est pas un game changer, pardon, mais pas loin. Parce que l'article cite une avancée décisive dans la compréhension de la relation entre la perte de biodiversité et l'utilisation de pesticides au niveau des populations et dans les conditions de terrain. Je vous ai dit, on avait 3 points qu'il fallait absolument soulever pour les scientifiques. Il fallait être sûr que ce soit les pesticides qui soient responsables justement de la chute des populations. Et il fallait déterminer aussi ça par rapport à des conditions de terrain. Et c'est exactement ce que cette étude est parvenue à faire. Elle est sortie le 16 janvier dernier dans The Royal Society Publishing et c'est une étude que vous pourrez découvrir en open access. L'étude se termine par cette phrase qui est assez équivoque, avec un cependant, parce que, évidemment, il y a quelques points oui. que les chercheurs et les chercheuses veulent analyser, et notamment si il y a une relation directe ou indirecte liée au régime alimentaire des oiseaux. Mais ils ont dit que nous pouvons d'ores et déjà conclure que la réduction de l'utilisation des pesticides est nécessaire pour atténuer la perte actuelle de biodiversité des terres agricoles. Voilà oui. pour cette étude sur les pesticides et l'abondance des oiseaux en milieu agricole. Bon, bah écoute, c'est bien parce qu'on le savait déjà de toute façon. Hein. C'était quelque chose. On le savait déjà. Oui, mais fallait, fallait mettre des chiffres dessus. Fallait mettre des chiffres, fallait mettre une étendue géographique aussi, puisque toute la France est concernée. Alors je ne sais pas si. Je ne crois plus que dans l'étude est mentionnée l'utilisation de données de DomTom. J'ai un petit doute, mais je sais que sur le site du BNVD, vous allez pouvoir également retrouver des cartes justement mentionnant les territoires ultramarins français. Donc voilà, il y a aussi cette information que vous pourrez retrouver de votre côté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, pour les décideurs politiques, à prendre des décisions d'une certaine manière, Sophie. Oui, on est sûr que ça va se passer, ça. Hein, ah, si seulement c'était aussi simple. Ah, écoute, s'ils écoutent voilà, ce podcast, voilà. On espère que... Hein, voilà, c'est très on gentil. Espère. On espère. Mais bon. On espère, effectivement. Voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu pour cette étude qui, mine de rien, fait pas mal de bruit. Hein, elle a pas mal été relayée hein, du côté, comment dire, des médias français. Et peut-être plus si affinité, étant donné que l'étude est quand même assez jeune et qu'elle est sortie quand même dans un journal assez sérieux. Voilà. Mais bon, on ne doutait pas du sérieux du travail du Muséum d'Histoire Naturelle non plus. Non, jamais. Bien sûr que non. Bon, bah, écoute, merci pour ces précisions, c'était gentil. Eh bien, merci, merci aux équipes du Muséum d'Histoire Naturelle et merci à Muriel Tikit. Qui n'est pas cité sur le papier du Royal Proceeding, mais qui est l'instigatrice de l'étude et qui malheureusement nous a quittés au milieu justement de la réalisation de cette grande étude. Donc voilà, merci oui. à cette dame qui a permis la mise en place de ce grand travail. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a la section commentaires sur YouTube qui est fait pour ça. Si jamais vous avez apprécié l'émission, bien n'hésitez pas à la partager, bien évidemment. On est sur toutes les plateformes de streaming. On est évidemment sur YouTube. Et si vous avez envie de consulter les différents articles que nous avons discutés dans notre petit entretien, eh bien, il y a tout ça dans la description. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes! À plus!